Ici Maxime Tremblay de l'Épée légendaire. Oubliez le monde réel et montez le volume, car vous entrez dans la réalité augmentée. It's one small step for man. Hey, listen. It's me, Mario. Réalité augmentée, la techno à un autre niveau. Shut up and take my money. Bienvenue tout le monde dans ce 19e élément de la réalité augmentée. Jean-Benoît Gagné avec vous pour ce nouvel élément. Et là, ben, équipe réduite cette semaine. On a juste le moins bon des deux autres. Salut Luc! Salut! Ben, je sais, qu'est-ce que tu veux? Tu peux pas te débarrasser de moi, si je te dis. Ah non, t'es collant! Tu tiens la route, c'est incroyable. Non, mais sincèrement, je joke en disant le moins bon des deux, c'est vraiment pas vrai. C'est de ma faute cette semaine, c'est à cause de moi que FDL est pas là. Notre horaire, pardonnez-moi, notre horaire habituel pour pouvoir enregistrer l'émission, on fait ça normalement le lundi soir aux alentours de 19h30. C'est la case horaire qu'on s'est prévu les trois boys ensemble pour faire l'émission. Et cette semaine, à l'heure où on se parle, je suis certainement sur la route pour me diriger de la Côte-Nord vers la région de la Beauce pour mon déménagement. Donc, pour débrancher toutes mes affaires le lundi soir, je trouvais ça tard parce que je déménage le mardi matin très tôt. Donc, je voulais avoir pacter mes petits le plus tôt possible pour pouvoir me coucher de bonne heure et après ça partir sur la route. Donc j'ai demandé aux boys, hey, êtes-vous disponible soit plus tôt lundi, genre 18h après souper parce que je sais que le jour ils travaillent, ou encore dimanche soir. Et dans un cas comme dans l'autre, il y en avait un des deux qui pouvait pas être là. Et j'ai tranché en faveur de Luc, mais plutôt en faveur de pouvoir faire mes bagages, mes derniers bagages plus tôt demain. Donc, ce qui était le plus avantageux pour moi, c'est pas un choix. Ah, je prends Luc, il y a plus de... Non, il est meilleur. Non, c'est pas ça. C'est pas non, FDL, moi, il est moins bon. FDL. C'est toi qui s'est fait avoir dans le deal. Ah, oh, là, c'est clair. Là, à l'avenir, vous le ferez tous les deux, le show, là, rendu là, là. Moi, ça ne m'inquiète pas. Non, mais sincèrement, donc, pour la petite explication, c'est tout ça causé par mon déménagement. C'est pas qu'on voulait pas que FDL soit là. C'est pas que je voulais pas que Luc soit là. Je voulais pas trancher entre les deux. C'est vraiment ma situation personnelle qui a fait en sorte que ben, cette semaine, on est simplement deux. Donc, Luc a doublement de tâches cette semaine. Il a testé un méchant gros jeu pour nous autres. Il l'attendait avec beaucoup d'intérêt. Mais avant d'en parler, je te salue, Luc. Bienvenue à nouveau dans ce 19e élément de la réalité augmentée. OK, salut. Salut. Avant de parler de ton jeu, qu'est-ce que tu as fait de geek cette semaine? J'ai regardé Le Hobbit, dont je vais vous parler en deuxième partie de l'émission. J'ai terminé BioShock Infinite, puis j'ai reçu une Wii U prêtée par Julie de chez Nintendo Canada, que plusieurs jeux. J'ai reçu Super Mario Bros. Wii U, j'ai reçu Lego City Undercover, j'ai reçu Ninja Gaiden 3, puis j'ai reçu SingStar aussi, SingStar Party, je pense que ça s'appelle. Puis j'ai reçu aussi un autre jeu qui est Nintendo Land. Okay. J'ai pas eu le temps de jouer beaucoup, mais j'ai commencé à expérimenter un peu avec la console. J'ai commencé à jouer à Lego City Undercover. Ces choses-là, ça va être des critiques dans les semaines à venir. Là, j'ai la console pour un deux semaines solides. Fait que je vais m'avancer un peu dans ces jeux-là, puis je vais vous en reparler. Là, mais à date, la Wii U, c'est une console bien le fun. Ah, c'est cool. Il y a certains développeurs qui ont eu des vraiment bonnes idées. Là. Puis vous allez voir, quand je vais faire ma critique de Lego City Undercover, vous allez voir que c'est à date, ben là, c'est sûr que j'ai joué à trois jeux. Mais c'est le jeu qui sert le plus et le mieux de la manette genre iPad là, que le Nintendo, que la Wii U a. Là. C'est vraiment bien fait. Mais là, question de même, juste par intérêt, est-ce que Lego City Undercover, ça a été fait par Nintendo? Non, ça a été fait par Telltale Games. Okay. La même gang qui fait les jeux de Lego habituels. OK. Parce que la question est intéressante dans le sens que est-ce que les tierces parties ont embarqué dans cette nouvelle manette-là? Et est-ce qu'eux ont décidé de « Ah, OK, telle fonction, ce serait intéressant. » Ou est-ce que c'est Nintendo qui pousse eux-mêmes sa technologie? Donc, de voir que c'est un tierce qui réussit à faire, selon toi, là, pour ce que tu en as vu, la meilleure utilisation de la manette, ben c'est intéressant pour l'avenir, là. Dans ce que j'ai vu à date, je veux dire, dans Super Mario Bros. Wii U aussi, tu te sers de la manette, de l'écran tactile. Mais dans ce jeu-là, dans Lego City Undercover, puis c'est pas Telltale, c'est Traveller's Tale. Telltale font d'autres jeux. Okay. C'est vraiment poussé, vraiment intéressant. Je vous dis, je vais laisser le temps de me rendre à la fin du jeu. Je suis rendu presque aux trois quarts du jeu. Là. Fait que je vais finir l'histoire parce qu'on sait qu'un jeu de Lego, l'histoire prend peut-être, je sais pas, 4, 5, 6 heures à finir. Puis finir le jeu à 100%, tout ramasser, les objets cachés puis ces choses-là, ça peut prendre 40 heures. Là. Je me rendrai pas là, mais... je vais pouvoir après ça vous expliquer en faisant la critique qu'est-ce qu'on peut faire avec la manette. C'est vraiment incroyable. Juste des exemples, on peut s'en servir comme scanner audio pour trouver des méchants. On peut s'en servir comme appareil photo pour prendre des photos des méchants en train de commettre des crimes. Elle nous sert de carte, elle nous sert de toutes sortes d'affaires. Là. C'est vraiment intéressant. Ah, c'est cool. Bon, oui. Donc ça, côté gaming, c'est pas mal ça pour cette semaine et côté geek. Oui, c'est pas mal assez. Là. Ça fait pas ton affaire, excuse-moi. Non. Non, juste pour savoir si je clenche avec les miennes. Tu sais, j'avais un char à tester en plus. En là, plus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus que ça? T'étais en vacances, toi, cette semaine, hein? Ouais, ouais, mais. Ouais, c'est ça, ça aide. Oui, parce que tout faire ça dans la même semaine, là, c'est ça. Alors, je trouve ça beaucoup. C'est pour ça que je te dis, hey, boy, c'est tout ça, là, t'es sûr? Ouais, enregistrer du vidéo pour le podcast auto, puis faire le montage, puis tout ça. Puis, ouais, ça a été une grosse semaine de vacances du travail, mais de travail personnel. Ouais. Moi, de mon côté, j'ai commencé, je l'ai pas terminé encore. Ben oui, je sais, c'est là mon affaire. Halo 4 Forward Unto Dawn, que tu nous as parlé, que tu as critiqué dans un élément précédent de la réalité augmentée avec nous. Je me rappelle pas quel épisode là, exactement, là, mais t'en avais fait la critique avec nous autres. J'ai joué côté gaming, j'ai joué à Borderlands 2, dont je vous ferai la critique la semaine prochaine. Je suis quand même pas pire avancé là, dans le jeu. Level 21, si je me trompe pas, donc j'ai quand même une bonne quinzaine d'heures de fait dans ce jeu-là, autant en solo qu'en multi. C'est cool, okay, parce que tu peux prendre le même personnage, jouer avec en solo ou encore en multijoueur. Et quand tu as des amis plus haut de niveau, tu meurs plus souvent, mais l'XP est conséquente aussi, donc ça, c'est intéressant. Le jeu est bien fait de ce côté-là pour le multijoueur. J'ai continué à jouer à Terraria, mais... Je suis pas fier de moi. Sachant que je manque de temps avec mon déménagement, je me suis dit, je veux voir la suite. Puis Terraria, c'est un jeu qui est vraiment sur la longue haleine. C'est, tu sais, monter ton équipement, aller miner, faire... Écoute, le territoire est immense. Tu meurs souvent, tu sais, c'est long là, à faire et à monter pour pouvoir aller affronter les différents boss. J'ai un peu cheaté. Je sais, c'est pas correct. J'ai été chercher... Pourquoi ça me surprend pas? Ben, je voulais battre les boss juste pour me dire « Ah, je l'ai fait cette fois-là au complet » parce que j'ai déjà passé à travers ce jeu-là il y a un an et quelques poussières de temps de cela. Mais là, je manquais de temps. Je me suis dit « je vais me gâter. Ah ouais, la plus grosse équipement, ouais, la plus grosse armure. Puis merci, bonsoir. » On est allé clencher les boss en dedans d'une heure. J'avais fait le tour de ce qui me restait à faire en termes de boss à faire dans le jeu, et j'ai passé au travers, puis là, ben, c'est fait, j'ai fini, parce que sinon, j'aurais pas été capable de décrocher jusqu'à y avoir arrivé. Et ça, okay, je me connais assez là-dessus, et je manque de temps avec le déménagement, comme je vous dis. Fait que je me suis dit, je fais exception à la règle, je triche cette fois-là. Ben, c'est et... ça. Ben, c'est parce que t'as l'air à tricher de temps en temps, certains juste ça de même, là. Merci de me le remettre sur le Me semble ton espèce de Megaman Ninja Démon... Oui, c'est vrai. T'avais été chercher les cheats. Qui était sur la page officielle du jeu, là. Quand c'est même. Parce que c'est là que t'es obligé de les utiliser, tu sais. Si on n'était pas en onde, là. Eh boy. Il y aurait eu des sacs là-dessus. Je me le dirai après. OK. Sinon, Commander Cool, mon test de cette semaine, un jeu sur iOS qui est un platformer aventure. Je vais vous en parler plus en détail un peu plus tard dans l'émission. Mais somme toute, ça fait la job pour un petit jeu de ce genre-là. On sait sur iOS, habituellement, le problème, c'est les contrôles. Et cette fois-ci, c'est pas encore parfait, mais ça fait quand même la job. Le bonhomme, il va où ce que tu veux, puis il fait ce que tu veux. Donc déjà là, c'est un plus par rapport à certains autres. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail tout à l'heure dans l'émission. Donc voilà pour ce qu'on a fait comme geek cette semaine. Avant que tu partes avec ta critique de BioShock Infinite, on voulait reparler à nouveau du concours que tu as lancé lors de l'élément 18. Ben oui, puis ça a l'air que ça intéresse pas personne. Fait qu'on va lancer un deuxième appel. Si vous êtes intéressé à gagner. Tu scrapes tellement magie. Ben là, c'est. Non, mais regarde, faut. Un chat, c'est un chat, un chien, c'est un chien, puis pas de participant, c'est pas de participant. Mais j'imagine, je l'accorde, c'est un vieux jeu. J'imagine que tout le monde qui avait vraiment acheté ce jeu-là l'a acheté. Mais si vous n'avez pas une copie du premier Gears of War sur Xbox 360, on fait tirer une copie. Vous avez juste envoyé un courriel à l'adresse que Jean-Benoît va donner après. Et puis, je vais vous envoyer le code si vous gagnez. C'est une copie numérique, donc vous devez le télécharger du premier Gears of War. Et la question est simple, qui est le héros principal du nouveau jeu qui vient de sortir de Gears of War, Gears of War Judgment? L'adresse courriel pour participer. D'ailleurs, je vais la mentionner aussi. Là. Ça, c'est de ma faute. Là. Je manque de temps. Je vais la mentionner sur le Twitter de la réalité augmentée, sur la page Facebook, dans l'article aussi sur affairesdegas.com. Je vais faire ma job. Je vous avertis, là, je vous le dis. Là, je vais essayer de faire ma job cette semaine là-dessus. L'adresse courriel pour pouvoir participer, c'est en nous envoyant un courriel à podcast réalité augmentée. Oubliez pas, hein, réalité, c'est féminin, donc augmenté, il y a deux E à la fin et E, mais comme il n'y a pas d'accent, ça fait E. @commercialgmail.com. Tu sais, l'art de faire une adresse courriel et de la rendre compliquée en l'expliquant pendant que tu as dit. Voici. Ouais. Donc, podcast. Tu n'as pas le choix, des fois. Ouais, voilà. Podcast réalité augmentée avec un E à la fin. @commercialgmail.com. Voilà l'adresse pour pouvoir participer. Et on aimerait ça que notre taux de participation augmente. Parce que ben là, ça ne peut pas être moins que zéro. Fait que dites-vous que si vous n'avez pas le jeu, vous participez, vous avez des grosses chances de gagner parce que si on a un participant, ben. Regarde donc ça va exploser cette semaine. Je suis sûr que cette semaine, ça va exploser les participations juste parce que le monde, ils vont dire ah, il n'y a pas de participant. Ouais, puis on va se donner quoi? On avait dit qu'on faisait ça à l'autre émission? Ouais, l'épisode 20. Puis si on n'a pas personne encore à l'épisode 20, écoute, on fera ça au 21, puis on va l'étirer jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui participe. OK? Là, vous allez être écœuré. Au pire, m'a le téléchargé, puis m'a le joué, même si je l'ai déjà. Tiens. Dans vos dents, faire un concours, c'est nous autres qui gagnent. C'est ça. Moi, m'a fait gagner FDL. T'sais. Ouais, peut-être. On fera des Ian Richards de nous-mêmes avec le bon Noël de M. Net, qui veut tout le temps gagner, mais il peut pas, comme il est dans l'équipe. Mais nous autres, on va gagner, bon. C'est ça, il n'y a pas le droit de participer. Là, au pire, on va se trouver quelqu'un pour le donner. Ah ouais, c'est ça, on va s'organiser. Il y a du monde fin dans la vie, fait qu'on les récompensera d'être fin. C'est ça. Fait que je te le donnerai pas. Ah. Oh! Hey, bon tannant, vas-y donc avec ta critique BioShock Infinite. Je veux que tu commences par me parler de la précommande. Ça, déjà, c'est une aventure parce que ça fait longtemps que tu l'as précommandé. Parce que le jeu, ça date pas d'hier qui est annoncé. Non, mais c'est ça. Moi, j'ai précommandé ce jeu-là tout de suite après le E3 de juin 2011. Donc, ma commande a été passée le 11 juin 2011. Le jeu a été retardé, était supposé sortir en 2012, donc l'année dernière, puis a été repoussé au mois de mars de cette année, le 26 mars. Puis en plus, j'ai eu des problèmes avec Future Shop pour faire livrer ma commande. C'était vraiment pas beau. Ça a pris quatre ou cinq appels chez Future Shop au service à la clientèle en leur demandant « Bon, quand est-ce que ma commande va choper? » Ils vont dire « Rappelez-nous demain, on va le savoir. » Puis « Demain, on va le savoir. » Puis « Demain, on va le savoir. » Jusqu'à temps que, ben, à un moment donné, ça chippe, puis je le reçois et je le joue et je le termine. Donc, c'est quoi BioShock Infinite? Ben, c'est un jeu de Irrational Games qui est distribué aussi par 2K Games. C'est une franchise, c'est le troisième jeu de la franchise. Les deux premiers jeux s'appelaient tout simplement BioShock et BioShock 2. Dans les deux premiers BioShock, ça se passait en dessous de l'eau, dans une ville qui s'appelait Rapture. Fait que c'était vraiment on jouait dans la claustrophobie, puis on jouait vraiment à voir, on se promenait dans des tubes, puis à l'extérieur, on voyait juste de l'eau. Mais Rapture, c'est une ville énorme, construite en dessous de l'océan. Si vous avez jamais joué à aucun des BioShock, je vous conseille fortement d'acheter le premier. Vous allez trouver ça pour à peu près 20$ dans les magasins, si pas moins. Je pense qu'il y a aussi une version de collection qui est sortie. Vous avez les deux jeux. Ça a sorti juste un peu avant BioShock Infinite. Vous avez les deux jeux, je pense que c'est 40$. Quelque chose comme ça, BioShock 1, BioShock 2, avec tout le DLC qui avait été vendu pour ce jeu-là. Pour BioShock 2, j'ai bien aimé BioShock 2. Mais écoute, je viens de regarder sur Steam, BioShock 1 et BioShock 2, c'est 19,99 sur Steam. Et il y a le Franchise Pack qui est à 39,98, donc c'est vraiment le prix des deux ensemble. C'est ça. Mais tu le télécharges dans un seul bloc, donc voilà, c'est le prix. Avec les DLC, là. Ouais. Mais ça, dans le BioShock 2, j'avais bien aimé l'histoire de BioShock 2, mais j'avais encore plus aimé, puis ça, c'est rare, j'avais encore plus aimé le DLC qui s'appelait L'Antre de Minerve. L'histoire est vraiment incroyable. Si vous jouez à ça, vous allez finir le jeu, puis vous allez finir avec la bouche ouverte, parce que c'est vraiment la fin, vous attendez pas à ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Bon, BioShock Infinite, on avait pas mal fait le tour de Rapture en dessous de l'eau. C'était le fun pour deux jeux. Même que dans le deuxième, il y a du monde qui trouvait que l'effet de surprise, c'était un peu essoufflé. Moi, j'aimais cet environnement-là, l'environnement lugubre où tu sais jamais ce qui va t'attendre au prochain raccoin. Puis c'est vraiment jouer à ça dans le noir avec un système de son surround 5.1. Là, c'est vraiment incroyable. Parce que, bon, il y avait des bonhommes qui collaient au plafond, puis ça arrivait d'un peu n'importe où, puis bon. Mais dans les deux premiers BioShock, c'était des personnes infectées. Je vais dire comme Denis Talbot, c'était pas des zombies, là, mais c'était des humains infectés. C'est différent, mais c'est vraiment pareil. Là. C'est ça, vraiment. C'est différent, mais pareil. Fait que c'était pas vraiment des zombies, mais c'était du monde qui était un peu fou parce qu'il avait, bon, un peu abusé des pouvoirs qu'ils peuvent avoir. Dans le premier BioShock, c'était on avait des plasmides, puis on avait de l'Adam, puis de la Ève. Il y en avait un, c'était la santé, l'autre, c'était notre mana dans n'importe quel jeu, là, c'est les jeux de magie, la mana pour pouvoir déclencher des pouvoirs magiques. Puis les plasmides, c'est différents pouvoirs qu'on avait pour déclencher de la magie. Dans BioShock Infinite, on a viré ça de côté. Là, c'est des grands espaces ouverts. On est dans une ville volante. On est dans une ville qui a été développée et puis qui est capable de voler au-dessus des nuages. Puis vraiment, c'est une ville à part entière avec des sections différentes puis des magasins. Puis c'est vraiment bien fait parce qu'on se promène puis on arrive à une place. À un moment donné, il y a une porte fermée. Puis le gardien dit, tu peux pas passer ici. La ville ou la partie de la ville qui est ici, d'habitude, n'est pas arrivé encore. Fait que là, t'as du monde qui sont sur le bord de la clôture et ils disent « Ah, j'aime pas ça quand les magasins sont en retard puis quand les bâtisses n'arrivent pas dans le bon temps puis qu'on est obligé d'attendre. » Puis là, tu vois la bâtisse qui arrive, ils font comme s'arrimer puis là, ils rouvrent l'espèce de porte puis là, tu peux passer drôle, puis t'en aller dans l'autre section. C'est vraiment bien fait. Puis même, tu sais, t'es comme... Comme des wagons de train un peu, là, tu sais, que ça peut se détacher puis ça ouais, peut se ressembler ensemble. C'est ça. Puis là, tu passes d'une place à l'autre puis tu vois que les plateformes sont pas toujours égales puis ça fluctue un peu comme si tu étais sur un bateau où tu mettais une planche entre deux chaloupes puis qu'il y a de la vague. Puis là, tu vois les planches, elles sont plus hautes. D'un moment donné, plus haute. Le moment donné, c'est l'autre qui est plus haut puis ça tangue. C'est vraiment bien fait. On peut presque arriver à croire que la ville peut flotter dans les airs. Mm-hmm. Bon. Fait que ça, c'est vraiment... Le jeu se passe à ce qu'on appelle... voyons, hey, j'ai un blanc, ça se peut dire. La ville, là? C'est, ouais, c'est... Hey, puis là, j'entends le monde crier. C'est ça. Voyons. Luc fait dire qu'il a vraiment joué au jeu. Là. C'est pas... Bon, oui, j'ai vraiment joué au jeu. J'ai juste d'avoir un blanc sur le nom de la ville. Puis je suis en train de regarder. Hey, ça n'a pas de maudit bon sens. Columbia. Columbia, hey, oui. Pourtant, voilà. C'est tellement facile à se rappeler. Désolé. Fait que c'est ça, on est dans la ville de Columbia. Columbia qui est la ville volante. Puis, ça a été créé par un prophète qui s'appelle... As-tu un autre blanc? Ça se peut-tu? Pourtant, c'est un prophète qui s'appelle... Kevin Levine. Zachary Comstock. OK, non. Fait que lui, il a décidé de partir sa ville volante. Puis à un moment donné, bon, on apprend dans l'histoire, on va apprendre qu'il s'est un peu viré de côté. Puis ils se sont vraiment dissociés des États-Unis. C'était une ville à part entière américaine. Puis à un moment donné, ils se sont dissociés des États-Unis. Puis la ville est comme disparue. Fait que c'est une ville secrète qui existe encore. L'histoire se passe dans 1912, là, dans les années 1912. Mais c'est ça, la ville se serait séparée, puis vole. Puis les Américains n'ont plus vraiment revu cette ville-là. Donc nous, on est Booker DeWitt. Hey, je me suis pas, j'ai pas eu de blanc, soit là. On est Booker DeWitt. Une fois sur trois, comment? Hey, c'est quand même pas si pire. Fait que notre personnage, lui, a un rôle assez simple. C'est il se fait demander d'aller retrouver une fille dans la ville de Columbia. Fait que la fille s'appelle Elizabeth. Elle, il faut la retrouver puis la ramener. La mission, au départ, on se dit le jeu va durer 15 minutes. T'sais. On va arriver là. On va ramasser la fille, puis on va repartir, puis ça va être facile. C'est supposé d'être simple. C'est supposé d'être simple. Fait que là, on se ramasse à Columbia. Bon, un peu comme si vous avez joué au premier BioShock, on s'en va en plein milieu de l'océan, au milieu de nulle part, sur un bateau. Puis là, il y a deux personnages qui se parlent, qui sont les jumeaux Lutèce, qu'on va revoir un peu plus tard dans le jeu, qui nous amènent là. Puis on s'en va trouver le passage pour se rendre à Columbia. Fait que Columbia, on arrive, puis on s'assoit dans une chaise, puis on se fait catapulter dans les airs pour se ramasser finalement à Columbia. Fait que là, on voit vraiment la ville la première fois. C'est vraiment magnifique parce qu'on descend tranquillement vers la ville dans une espèce de capsule. On débarque, puis on se ramasse dans une espèce de fort à Columbia. Puis là, ben, faut sortir de là. Fait que là, on descend. Puis on essaie de trouver la sortie, puis on voit que c'est assez religieux comme place. T'sais. Les gens sont très croyants, croient beaucoup aux prophètes, puis tout ça. Puis même, on s'aperçoit que c'est peut-être un peu même trop. Malsain, mais, à la limite. Ouais, c'est ça. Fait que là, tout le monde, on croit aux prophètes. Là, tu arrives dans une espèce de place avec un bassin d'eau, puis ils sont en train de parler du prophète, puis de prier le prophète. Puis de dire qu'ils croient au prophète. Puis t'arrives là, puis là, le but, c'est pour sortir de là, faut absolument que tu te fasses baptiser. Il dit, il n'y a pas personne qui rentre à Columbia qui n'est pas pur. Fait qu'il faut que tu te fasses baptiser là, puis après ça, tu pourras rentrer dans Columbia. Fait que tu te fais baptiser, mais tu te fais baptiser tellement solide que tu es presque noyé, puis tu te retrouves, tu te réveilles dans Columbia. Au moins, tes péchés ont supposément été purifiés. Puis, tu as réussi à rentrer à Columbia. Là, il faut que tu trouves la fille. Là, on se promène dans Columbia. Puis, on se demande vraiment quand est-ce qu'il va y avoir de l'action. Ouais, là, t'as pas tiré une balle encore. Non, t'as pas tiré une balle encore. Puis, ça prend encore un petit bout de temps avant que tu tires une balle parce que tu te promènes dans Columbia. Là, tu découvres certaines places. Tu t'essayes d'apprendre un peu la ville puis au diriger. Ce qui est le fun, c'est qu'ils n'ont pas rendu ça trop facile. C'est que c'est pas une grosse flèche qui dit tout le temps « va par là, va par là, va par là ». Si tu veux avoir des indications sur la Xbox, en tout cas, sur t'as les deux joysticks, mais t'as le petit plus. Tu peux faire un coup par en avant. Puis une flèche qui va t'apparaître va dire « bon, ben va par là ». Va te faire une petite distance en avant et va dire « bon, il faut que tu ailles comme à gauche ». Fait que là, tu suis ça. Puis là, tu vas avancer tranquillement. Tu vas te ramasser un moment donné. Là, tout le monde est tranquille. Tout le monde te dit « bonjour, bonjour étranger, comment allez-vous ». Puis c'est tout super gentil avec toi. Puis là, tu as des magasins et toutes sortes d'affaires. Mais tu sais, au début, tu peux pas vraiment faire grand-chose. Tu te promènes, tu n'as pas d'armes, tu n'as pas vraiment rien. Tu t'en vas là-bas, puis c'est tout. Parce qu'en partant, au début, tu avais une arme, mais tu perds ton arme en décollant avec la chaise spatiale qui t'amène à Columbia. Fait que quand tu arrives à Columbia, tu n'as pas d'armes. Fait que là, c'est censé être le fun. Oui, mais c'est tellement... Le décor est tellement impressionnant. Parce qu'il faut dire une chose. Irrational Games pousse vraiment l'expérience au maximum. T'as tellement de choses à voir. Tu vas rentrer dans une pièce, à un moment donné, il y a un projecteur qui joue un film qui parle de Columbia, puis des choses qui est arrivé à Columbia, puis là, tu vas arrêter, tu vas regarder le film parce que c'est trop bien fait, puis c'est, tu sais, c'est, c'est, c'est, ça parle ou c'est, sinon c'est écrit. Puis c'est vraiment parce qu'en 1912, c'était pas nécessairement tout. Il n'y a pas nécessairement de la voix sur tous les films. Tu vas voir, souvent, faut que tu puisses lire. Puis tu as des choses, des espèces de choses à touristes où tu te penches, tu mets tes yeux sur des espèces de jumelles, puis là, tu vois une espèce de film, un peu comme ce qu'on avait quand on était petit. Avec les images de Disney, là. Ouais, c'est ça, puis qu'on spinait la roulette, là. Ben, ouais. C'est un peu comme ça. Fait que là, t'as un succès à déverrouiller si t'y trouves tout en passant. Quand on était jeunes, on avait des bons divertissements, nous autres. Ouais, c'était bon, ça. Il n'y avait pas de voix là-dessus non plus. Fait que. Tu trouves ça, fait que là, t'as plein d'affaires comme ça à voir, puis tu vas regarder l'environnement. Il y a des feux d'artifice, il y a des oiseaux. Tu rentres dans un parc, aussitôt que tu commences au début, tu sors d'où tu t'es fait batinoyer, là. Puis tu sors, puis il y a plein d'oiseaux mouches, des petits oiseaux mouches qui volent partout, puis c'est. Tu peux pas faire autrement que juste les regarder. Il y en a partout. C'est vraiment beau. Les décors sont vraiment bien faits, même si on s'aperçoit que ils sont pas mal au maximum de la Xbox dans ce jeu-là. Il y a des textures qui sont moins belles. Sur le PC, ça serait probablement mieux à jouer encore. Fait qu'on arrive à Columbia, puis là, si on avance. Puis à un moment donné, on reçoit une notice qui dit. Prends pas le numéro 77. On comprend pas ce que ça veut dire. Puis le kit. On arrive devant une scène où il y a deux noirs attachés. Après, une blanche puis un noir attaché après un poteau. Puis on s'aperçoit qu'à Columbia, sont très purs pour côté religion, mais sont excessivement racistes. OK. Fait que le jeu joue beaucoup là-dessus, puis il y a eu, ça a fait une petite polémique, là, si vous regardez sur Wikipédia, des choses comme ça, il y a une espèce de polémique qui a été causée par le jeu, c'est que les gens trouvent que, c'est un peu trop religieux, tu sais, vraiment, c'est tellement poussé là-dedans que c'est la religion, puis la religion mène Columbia, puis les gens sont vraiment, tu sais, fonce quasiment tête première si le prophète dit de faire quelque chose. Puis aussi, il pousse le fait que ben, le racisme est tellement présent dans le jeu parce que tu as souvent des commentaires racistes. Les méchants dans le jeu sont excessivement racistes en disant ils n'ont pas leur place ici, ils s'achialent parce qu'ils sont pas assez payés, mais pourtant, les animaux ne chialent pas, eux autres. C'est vraiment poussé à l'extrême. Ouais, d'un autre côté, ça reflète une période historique qui a déjà existé. Là. C'est pas parce que t'en parles pas que ça a jamais existé. Non, pis ça, mais ça t'aide aussi à haïr plus les méchants. Ben oui. T'sais? Fait que c'est ça. Fait que le fait qu'on arrive là, puis là, on a le choix. Puis là, c'est un choix moral qu'on fait. Soit ils disent t'as une pomme à lancer, soit tu lances la pomme sur les deux personnes attachées sur le poteau, ou soit tu lances la pomme sur la personne qui veut que tu lances la pomme. Fait que ça, c'est ton premier tir du jeu, là. Ça, c'est le premier tir du jeu, c'est ça. Puis c'est là que ça dérape, OK? Là, je pense pas qu'à ce point-là, c'est un spoiler. J'ai pas essayé l'alternative parce que mes convictions personnelles me disaient que je pitcherais pas à pomme sur la personne noire puis sa blonde, tu sais, okay. Ou son chum, là, je me rappelle pas quel des deux. Il y avait un noir et un blanc, mais je me rappelle pas quel qui était quel. Là. Mais, tu sais, mes convictions me disaient, c'est pas ça que je ferais, fait que je ferais pas ça, tu sais. Okay. Fait que tu pitches la pomme à celui qui veut que tu pitches la pomme sur eux autres, et là, la chenoute part. Puis là, c'est vraiment, arrêtez-le, tuez-le, faites-en un exemple. Puis là, c'est comme ça a passé d'une belle petite ville tranquille où tout le monde est beau, tout le monde est fin, à... T'sais, donne-moi un fusil que j'élimine la populace. T'sais. Fait que c'est vraiment c'est là que ça part. Là, ben, au début, t'as pas d'arme. La seule chose que tu ramasses par terre, c'est l'espèce de bidule qui va te permettre de voyager sur les espèces de lignes qui sont dans le ciel. Puis si vous avez vu la bande-annonce ou des vidéos de jeu, vous voyez des gens, on peut se promener, on s'accroche après des rails dans le ciel, puis on passe d'une section à l'autre dans le jeu, d'une plateforme à l'autre comme ça. C'est vraiment, ça rajoute vraiment quelque chose de super le fun au jeu. Des fois, on n'est même pas obligé de s'en servir. Des fois, faut absolument. s'en servir pour se rendre à quelque part. Des fois, on n'est pas du tout obligé, mais on peut s'en servir parce que pendant qu'on est là, on est plus dur à attraper pour certains ennemis. Fait que c'est plus facile de les tirer pendant que tu es en train de te promener en haut que juste à terre puis faire face à eux autres. Fait qu'on ramasse ça en premier. On peut s'en servir aussi pour éliminer des ennemis, tout simplement le cassant le cou, le arrachant la tête ou des choses gentilles. Là. Oui, ben oui. La violence est extrême dans le jeu. De toute façon, ils sont racistes. Mature et plus. Là. De toute façon, ils sont racistes. Fait que, tu sais, les casser, c'est correct. C'est correct. Fait que c'est ça. Fait que c'est la première arme qu'on ramasse. Là, après ça, un coup qu'on. Parce que les premiers. Personnages qui vont nous attaquer ont juste des bâtons, ils n'ont pas vraiment de fusils. Fait qu'eux autres, on va pouvoir les éliminer avec ça. Là, après ça, on va commencer à prendre nos premiers ennemis avec des fusils. Fait que là, on va pouvoir se prendre des armes. Puis après ça, pouvoir les éliminer plus facilement. Il y a plusieurs sortes d'armes, mitraillettes, fusils à pompe. Bon, les armes classiques. La seule chose que je trouve un peu plate, c'est qu'on peut juste traîner deux armes à la fois. Dans les autres Bioshock, on pouvait traîner plusieurs armes puis changer quand on voulait. Celui-là, on a juste deux armes qu'on peut traîner. Donc, on peut changer d'arme dépendant de ce qu'on veut faire. Puis, on a aussi nos vigors, qui ça s'appelle, c'est l'équivalent des plasmides des autres Bioshock, qui sont nos pouvoirs. On peut lancer du feu, on peut lancer de l'électricité, on peut avoir une attaque, une espèce de bélier où on rentre dans personne en utilisant notre espèce de bidule pour nous faire voyager ses rails. On peut lancer des vagues de corbeaux qui vont aller attaquer les méchants, puis finalement les maganer beaucoup ou les tuer. On peut lancer une espèce de trompe d'eau où on peut ramener un ennemi vers nous puis après ça le tirer pendant qu'il est dans les airs. On a plusieurs pouvoirs différents qu'on peut utiliser. C'est vraiment, vous allez probablement faire comme j'ai fait, vous allez vous en choisir deux, trois, peut-être quatre que vous aimez beaucoup parce qu'on peut augmenter ces pouvoirs-là pour qu'ils fassent plus de dommages avec de l'argent. Un coup qu'on a ramassé de l'argent, on peut aller à des stations de vente parce que c'est vraiment drôle, mais c'est comme ça aussi dans les autres Bioshock, dans Rapture, c'est qu'il y a des stations de vente d'armes partout. Tu peux trouver des balles, de l'argent dans des poubelles. T'sais, c'est vraiment... moi, j'aimerais ça vivre dans une ville de même, pacifique, là, parce que tu trouves une poubelle et tu as 100 piastres dedans. T'sais, moi, j'aimerais ça. Là. Fait que, tu détruis les poubelles, tu détruis toutes sortes d'affaires, tu peux rouvrir, tu détruis pas, mais tu peux fouiller. Tu peux fouiller tes cadavres, fouiller des poubelles, fouiller des coffres forts, des choses comme ça pour trouver de l'argent, des armes, de la bouffe, pour se guérir. J'aime ça, Luc, que tu aies rectifié le tir. Tu dis rouvrir, puis après ça, tu fais fouiller dans les cadavres. Fouiller, oui, rouvrir un cadavre. Non, fouiller. Non, souvent, il est assez ouvert quand tu as fini de dealer avec. Mais la violence est graphique pas mal. Oui, oui, c'est assez quelque chose. Donc, ça commence comme ça. La ville est quand même encore belle à ce point-là, c'est juste que les ennemis arrivent de partout. Puis là, notre but, comme je disais, c'est de trouver Elisabeth. Le jeu commence vraiment à être plus intéressant quand on trouve Elisabeth parce qu'elle, elle va nous aider. Elle va, à un moment donné, elle va trouver des armes pour vous aider. Elle va vous lancer, tu es en train de tirer avec un fusil spécifique, mettons un lance-grenade, puis tu manques de grenades. Pas tout le temps, pas 15 fois. Là. Si tu tires partout dans le tas, elle ne te lancera pas 15 fois des grenades pour te remplir ton stock. Mais de temps en temps, elle va te lancer une grenade pour que tu puisses la prendre puis la tirer ses ennemis. À un moment donné, elle va te donner ce qu'il appelle du cristal. Je me rappelle bien. En tout cas, c'est du sel, mais c'est des cristaux. Ça va te redonner de la mana pour pouvoir lancer tes sorts, tes vigors. Puis, elle va te lancer des fois des potions de santé pour remplir ta santé aussi. Pendant le jeu, là, on va pouvoir augmenter notre barre de santé en trouvant des espèces de potions spéciales qu'on peut prendre. Ça va rallonger la barre de santé. À un moment donné, on peut avoir un bouclier. On va trouver une potion qui est un bouclier. Ça aide beaucoup parce que, un peu comme dans Halo, on se fait bombarder, notre barre de bouclier se diminue, mais notre santé est encore pleine, on peut aller se cacher. À un moment donné, le bouclier revient, puis on peut continuer à se battre. C'est ce qu'on n'avait pas dans les anciens Bioshock, peut-être pour rendre le jeu aussi un peu plus facile. Puis, on a aussi notre c'est ça, toutes ces barres-là peuvent être augmentées. On va trouver des vigors, c'est-à-dire des pouvoirs cachés à certaines places. Des fois, il faut fouiller. Des fois, ils sont vraiment là parce que ça nous le prend absolument pour passer à l'étape suivante. C'est dans le script du jeu. Mais il y a des choses qu'il faut vraiment fouiller pour trouver. Un coup, comme je disais, un coup qu'on a Elisabeth, elle va nous aider avec ça. Elle va, dans les autres Bioshock, il fallait nous-mêmes crocheter des serrures, ouvrir des coffres, des choses comme ça, pirater des choses. Dans ce jeu-là, c'est Elisabeth qui fait ça pour nous, en autant qu'on a des crochets pour le faire. Fait que ça y prend des crochets pour crocheter des serrures. C'est toutes des serrures dans ce jeu-là, fait qu'il faut ouvrir une porte, il faut crocheter des serrures. Fait qu'il y a des portes obligatoires que pour avancer dans l'histoire, que ça prend un crochet, ils rendent ça facile. Mais il y a des salles cachées où on va arriver, ça va dire que ça te prend 5 crochets pour ouvrir cette serrure-là. On va crocheter, on va rentrer, puis on va trouver une bouteille pour augmenter notre barre qu'on veut. C'est nous qui choisissons. Là. La bouteille est là, puis selon ce qu'on choisit, on augmente notre barre de santé, va être plus longue, notre barre de bouclier va être plus longue, ou notre barre de mana va être plus longue. Okay. Fait qu'on choisit un peu ce qu'on veut, on fait des choix selon ce que nous, on aime mieux. Si vous êtes plus... moi, je me sers juste des armes, fait que mes vigors, mes sorts, je m'en servirai pas vraiment. Ben, augmentez votre santé puis votre bouclier, puis laissez faire d'augmenter votre mana ou vos cristaux, parce que si vous vous en servez pas... Mais, je me doute que tu n'as pas essayé différentes variantes parce que tu as fait le jeu une fois, mais est-ce que tu penses que ça a réellement un impact sur la façon de jouer, de dire « OK, moi, je mise vraiment sur les magies, moins sur les armes. » Je pense, ben, ça t'amènera pas à quelque part d'autre dans le jeu. Le jeu va finir de la même manière, okay. Mais ça va si tu joues plus avec les sorts, c'est vraiment bon quand tu sais t'en servir, parce que je suis arrivé à un moment donné, j'avais plein d'ennemis en avant de moi, puis j'étais pas trop capable de m'en sortir. Mais tu lances un pouvoir, tu lances l'électricité par terre, t'en lances deux, trois, puis ça vient s'interconnecter. Puis là, les ennemis, quand ils te voient, ils foncent vers toi parce qu'ils sont pas tous brillants. Puis là, ils s'électrocutent. Pendant ce temps-là, tu les élimines au fusil à distance. Okay. Quelque chose comme ça. Fait que, mais t'as plein de pouvoirs. Après ça, tu peux avoir des espèces d'augmentation dans ton linge, une armure, un chapeau, une affaire de même, qui va faire que quand tu vas tuer un ennemi à la main, donc avec ton bidule qui te permet de voyager sur les lignes dans le ciel, ben ça va augmenter, ça va donner un petit peu de santé. Fait qu'à un moment donné, tu vas essayer d'en tuer plus à la main au lieu d'étirer de loin pour augmenter ta santé quand tu es sur le bord de mourir, ouais, des choses comme ça. C'est un jeu qui va vous tenir en haleine. Là. C'est un jeu où tu penses que tu as finalement clairé une section, puis on le sait tout de suite, quand vous vous faites voir par des ennemis, il va y avoir une musique qui va embarquer. Puis quand vous avez tué le dernier ennemi, il va y avoir une espèce de crescendo de la musique, puis elle va finir. T'sais? Fait que ça, vous savez quand il n'y a plus d'ennemis. Mais là, on se promène, là, ah, il y a une serrure là. T'sais, Elisabeth crochette la serrure, elle rouvre la porte, il y a des ennemis l'autre bord de la porte. Tu t'en attendais pas, ta santé n'était pas au maximum, des choses comme ça. T'sais? Fait que c'est ce qui rend le jeu intéressant. Moi, c'est sûr et certain, quand je vais avoir du temps, je vais le refaire une deuxième fois. Sous un autre angle, peut-être faire le choix que j'ai pas fait, lancer la pomme à l'autre place, sur les autres personnes, juste pour voir. Si tu fais ça, ça a l'air que tu tires pas du jeu, tu viens chercher la fille et tu reviens. C'est ça finit en 5 minutes. T'sais, fait que c'est vraiment peut-être voir ce que ça donne comme point de vue différent. Après ça, ben c'est ça. Fait qu'on a Elisabeth, puis notre but, c'est de sauver Elisabeth de là, mais on s'aperçoit que ça va être plus compliqué qu'on pense, puis là, on va se mettre à courir après le prophète, puis on va avoir un autre gang qui sont contre le prophète. Eux autres, c'est la rébellion qui sont menées par une fille qui s'appelle Daisy Fitzroy, qui est une noire, qui, elle, est contre le prophète. On sait pourquoi, là. Ils se font carrément mettre en esclavage. Ah, j'aurais pas deviné. Non, c'est vrai. Fait que c'est vrai, on va reconnaître aussi, on a Jeremiah Fink qui, lui, fait toutes les armes, puis toutes les potions, les vigors. C'est lui qui a inventé les potions pour que les humains aient des pouvoirs. Puis là, on va trouver des humains qui ont des pouvoirs, qui vont se battre contre nous à un moment donné, puis des choses comme ça. Donc, il faudrait se battre contre eux, ils sont plus durs. On a les espèces de présidents américains, c'est les genres de patriotes motorisés qui ont une espèce de look à la George Washington, qui arrivent avec des gros canons des canons à manivelle, puis qui se mettent à tirer sur vous autres. Puis ça, c'est vraiment les ennemis un peu plus durs à battre. Même maintenant, on trouve des trucs, on est capable de passer à côté, là. Mais c'est un jeu qui va vous tenir en haleine. Je veux dire, il y a des passes dans le jeu qui sont vraiment difficiles. Mais c'est une question de tactique à un moment donné. Puis c'est un jeu aussi, vous mourrez pas vraiment. Si vous mourrez au début, vous retournez dans, comme dans un espèce de faux bureau où vous ouvrez une porte puis vous sortez, qui est l'équivalent des espèces de tubes qu'on avait dans les autres Bioshock, où quand Elisabeth est là, mais Elisabeth, elle vous ramène à la vie. Ça vous coûte toujours un peu d'argent, mais rien d'autre. Vous allez perdre peut-être 100 sous. Puis, elle vous ramène à la vie. Fait qu'elle vous donne une piqûre, vous revenez, puis elle vous ramène à la vie. Puis là, vous continuez où vous êtes. Les ennemis qui sont morts dans le secteur, mais les ennemis que vous étiez en train d'abattre, eux autres ont regagné aussi un peu de vie. OK. Ce que j'aimais des autres Bioshock que j'ai pas vu dans celui-là, c'est que tes ennemis trouvaient les stations de soins puis allaient se soigner eux-mêmes. Fait que c'était important dans les niveaux, plus si tu jouais à facile, c'était moins pire. Si tu jouais à difficile ou à ordinaire, c'était difficile, je pense. Mm-hmm. C'était, ils s'en allaient à la station, t'es tiré un peu, puis ils disparaissaient, puis ils t'attaquaient plus. Puis là, si tu suivais ou si tu savais où était la station de soins, ils étaient en avant de la station de soins en train de se guérir, puis ils revenaient, puis ils avaient regagné de la force. Hein. Okay. Dans ce jeu-là, il n'y a pas vraiment ça, ils ne se guérissent pas vraiment. Donc, il y a ça qui est un peu plus facile. Mais vous allez voir, c'est un jeu. Les décors sont vraiment incroyables. Les ennemis sont bien faits. Comme je vous dis, l'histoire est approfondie. Vous pouvez en savoir plus sur Columbia puis sur l'histoire de Columbia en regardant les espèces de stations pour les touristes puis ces choses-là. Je veux dire, c'est vraiment un jeu qui vaut la peine d'être joué. Oui, c'est ultra violent. Mais Irrational Games met tellement de soin à peaufiner leur histoire puis à mettre de la viande autour de l'os. C'est pas juste un jeu de tir à première personne où on s'en va là-bas puis on tire tout ce qui bouge puis on arrive au bout puis finalement, bof, tu sais, il n'y avait rien au bout. Puis quand vous allez finir le jeu, c'est l'histoire est intéressante puis vous allez rester bouche bée quand vous allez arriver à la fin. C'est vraiment... La durée de vie du jeu, combien de temps ça prend pour passer au travers? Moi, j'ai mis, j'ai pas calculé exactement, j'ai mis entre 10 et 12 heures pour le finir. Okay. Puis j'ai pas tout cherché, j'ai pas tout trouvé. J'ai pas pris le temps de faire tout ce que j'aurais voulu faire parce qu'on peut trouver des espèces de dictaphones où on entend des personnages qu'on rencontre dans le jeu ou qu'on n'a pas rencontré dans le jeu parce qu'ils sont déjà morts. Là. C'est dans l'histoire qu'ils sont morts. Qu'on peut entendre des bouts d'histoire d'eux autres qui expliquent un peu ce qu'ils ont fait puis, ou qui nous essaient de nous donner des précisions sur l'histoire puis sur toute la petite game qui joue en arrière. Là. Fait que c'est vraiment intéressant. Comme je dis, entre 10 et 12 heures, puis j'ai pas tout trouvé. J'ai pas tout trouvé les dictaphones. J'ai pas été aussi profond dans le jeu que j'aurais voulu, mais je voulais le finir pour pouvoir en parler parce que ça fait tellement longtemps que j'entends ce jeu-là. Je voulais me rendre à la fin, mais c'est sûr que je vais le recommencer. Puis la prochaine fois, je vais prendre mon temps. Ça, c'est un défaut de faire réalité augmentée à chaque semaine. C'est justement ça. On pédale pour faire des jeux, pour pouvoir passer au travers et pouvoir vous en parler. Mais il y a des jeux comme ça. Tu te dis, hey, je vais recommencer à m'amener, je vais me faire plaisir, ou j'aurais donc voulu en faire plus longtemps, de continuer l'aventure, puis on les tasse parce qu'on les a fait, on en a parlé en ondes, puis la semaine d'après, il faut avoir encore de quoi dire. Fait que ça, c'est un défaut de faire des podcasts de même. Non, mais c'est sûr, mais je veux dire, tout le monde est dans ce game-là un peu. Regarde, ouais. Monsieur Net aussi, c'est un jeu par semaine, des fois deux, tu sais. Mais c'est correct, j'ai eu le temps de l'apprécier pleinement. J'ai vraiment apprécié l'histoire, j'ai apprécié l'expérience que ça m'a donné. Puis c'est vraiment BioShock, c'est un des jeux où je vais venir m'asseoir, je joue à ça dans ma salle de cinéma, il n'y a pas de fenêtre ici. C'est là que j'enregistre les podcasts aussi. Fait que j'éteins la lumière, j'ai juste le projecteur, j'ai un écran de 90 pouces, j'ai un projecteur que je me suis acheté, je joue ça là-dessus, les lumières complètement éteint, le système de son allumé avec les voix qui arrivent par en arrière quand les ennemis t'attaquent, des choses comme ça. Regarde, c'est une expérience vraiment incroyable. Puis c'est, je dis par bout, je me promenais, puis tu regardes des espèces de places où tu rentres quand la ville vient un peu plus sombre parce que t'es comme... Parce que Elisabeth a le pouvoir d'ouvrir des cracks dans l'espace-temps. Puis tu peux changer d'espace-temps. C'est une chose que vous allez apprendre en jouant au jeu, puis c'est pas des spoilers, vous allez l'apprendre assez vite. Vous pouvez servir de ces fentes-là dans le temps à votre avantage dans certains combats aussi. Vous allez le découvrir quand vous allez le jouer. Incroyable. C'est un des jeux qui me donne le plus de frissons quand je le joue, tellement que tu embarques dans le jeu. 9,5 sur 10. Si vous avez l'âge de jouer des FPS, ça vous prend absolument BioShock Infinite dans votre bibliothèque. Puis même, je vous dirais, théoriquement, ça vous prend les trois BioShock dans votre ludothèque. C'est des incontournables. Surtout le premier, puis Infinite. BioShock 2, il y en a qui disent que c'est pas aussi bon, mais moi, j'ai adoré l'expérience. Je vous dirais, c'est trois jeux qui valent pleinement la peine d'être joués. Moi, j'avais commencé BioShock le premier. Et une des choses, ça, écoute, t'apprends à te connaître aussi en tant que gamer, puis à savoir tes goûts, puis ce que t'apprécies le plus. Et une des choses, moi, que j'aime pas, surtout dans des shooters, quand t'arrives avec des bébites, tu sais, que c'est des extraterrestres ou encore avec des pouvoirs, j'ai de la misère avec ça. Moi, tu sais, de pas savoir ce que l'ennemi est capable de faire en termes de capacité, j'ai déjà mentionné, tu sais, un humain, tu le sais, que ça saute à peu près 2-3 pieds, tu sais, c'est capable de se rouler tel bord, mais ça partira pas à voler tout d'un coup ou il explosera pas sans avertissement, sans qu'il y ait eu une grenade, tu sais, les capacités d'un être humain. Mais une telle bébite qui vient de l'espace ou, tu sais, peu importe, ça, j'ai de la misère avec ça. C'est probablement mon côté rationnel qui embarque. Mais BioShock, j'y avais vu des qualités nombreuses. L'environnement, tu sais, l'ambiance. Mais j'avais moins trippé sur le côté utilisation de la magie. Mais ça, c'est à vous de vous connaître en tant que gamer puis de choisir vos jeux en conséquence. Mais comme je te dis, il faut s'y donner une bonne chance parce que moi, BioShock, le premier BioShock, j'avais joué la démo sur Xbox. Puis j'avais joué à peu près 15 minutes, puis j'avais dit « Ah non, ça, je déteste ça, je serais pas capable de jouer à ça de la chenoute, je passe à d'autres choses. » Puis à un moment donné, je l'ai vu pas cher dans un magasin, puis j'ai dit « Ah, genre, je vais y donner une chance. » Je l'ai acheté, puis je l'ai dévoré le jeu. Mais t'as pas regretté. Non, c'est ma franchise préférée à date, puis je te dirais que ça va probablement être mon jeu de l'année, BioShock Infinite. Wow! Ah, c'est cool. Mais écoute, la note vient en conséquence aussi, là, 9,5. Oh oui, 9,5 facile. Ouais. Moi, cette semaine, j'ai joué à Commander Cool. Il est cool? Ouais, quand même. Okay. C'est intéressant. C'est un jeu sur iOS et dans lequel vous campez un Commander. Check donc ça. Hein? C'est un petit concept. C'est hot, hein? Ça se rappelait Général Poche, puis ton personnage était Commander Cool, ça aurait été comme... J'essaie un peu, là, pendant que je suis en train de parler, je veux mettre le son, parce que le son, il est... La musique est cool. T'as peu. Non, t'es-tu capable de faire ça, toi qui n'es pas technique pantoute, parce que ça te prend une journée de plus pour débrancher toutes tes affaires? Ah non, ça marche pas. Bon, j'ai pas de son. Tant pis. OK. Mais ça de côté. Bon, Commander Cool. On est-tu en direct? Non, mais pas loin. OK, on fait comme si. Commander Cool, c'est un jeu sur iOS actuellement. J'ai regardé tout à l'heure, il était gratuit. Au moment où est-ce qu'on enregistre, donc dimanche soir, là, il est 20h20, il est gratuit. Mais normalement, il est à 1,99. Je vous le dis tout de suite, si vous le pognez à 1,99, peut-être que vous allez trouver que c'est mince pour le prix, mais dès qu'il y a un rabais, dès qu'il tombe à 99 cents ou encore gratuit, sautez là-dessus, ça vaut vraiment la peine. C'est comme si on mettait un commander, un gars de l'armée avec des fusils, dans un univers qui ressemble à Super Mario World. Un commander qui est cool. Oui, qui est cool. C'est tant qu'à s'appeler de même. Ben non, mais... Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que les graphismes reprennent vraiment la sauce de Super Mario World avec les décors. Là. Tu vois comme la Terre, là, c'est coupé, là, c'est en 2D, là, c'est un platformer. Tu vois la Terre, tu vois des colonnes sur lesquelles tu peux sauter. C'est en genre de gris, terre, beige. Et les plateaux, tu as de la pelouse. Fait que c'est vraiment les graphismes à la Super Mario World. Et il y a quatre mondes différents. Il y a la neige, il y a la Terre, il y a le désert et il y a un monde plus comme métallique, lunaire, un peu, qui est le dernier niveau, dans lequel on a, en fait, niveau chapitre. Ça, c'est les quatre univers, c'est des chapitres, et c'est séparé en 35 niveaux qui vont de très, très facile jusqu'à extrêmement difficile. Habituellement, un jeu sur iOS, le plus gros défaut, c'est les contrôles. Contrôles qui sont difficiles à trouver, c'est pas instinctif de taper sur ton écran en tenant, parce que tu vas le tenir un peu à la manière d'un Game Boy ou encore d'une console portable, là, en étant à l'horizontale, et tu vas avoir ton déplacement gauche-droite du côté gauche de l'écran et AB, donc pour sauter et pour tirer du côté droit de l'écran. La façon que ça fonctionne, c'est que normalement, tu tapotes, puis on sait que c'est pas précis. Mais là, malgré tout, on a réussi à faire des ondes de tapotement qui sont assez grandes pour que tu fasses comme, OK, si je veux peser là, je le sais que ça va être à tel emplacement. Si je veux peser le B, ben ça va être à telle place, le A à telle place. C'est assez bien séparé pour pas que tu te mélanges de contrôle. Il y a un petit ajustement à faire au début du jeu, d'apprendre où ils sont placés, mais c'est quand même bien. Là. L'espacement est intéressant parce que veux pas, tu y vas avec les pouces. Puis les pouces, c'est assez gros. Fait que mets pas ça tout collé, tu vas te mélanger, mais là, c'est bien fait de ce côté-là pour une plateforme comme iOS, qui habituellement, c'est le plus gros défaut, ça va bien. Contrôle assez simple. Gauche-droite, sauter, et le A, c'est pour tirer des balles. Les déplacements, ça va quand même bien. Sauter, ça va quand même bien, même s'il y a une certaine rigidité. Donc, tu sais, il faut que tu y arrives pratiquement au pixel près. Si tu frôles, t'as pas assez sauté haut, ou tu sais que tu accroches un petit peu la plateforme sur laquelle tu ne donneras pas, tu vas tomber. Ça, je trouve ça un petit peu rigide. Pour ce qui est de tirer, tu vas avoir certains ennemis qui sont les adversaires de Commander Cool. Et eux, ben, 2-3 balles, c'est fait. Le plus gros défaut en termes de contrôle, c'est le fait que quand tu tires, tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas te déplacer avant ou reculer ou encore sauter. Tu tires. Donc, on va venir qu'à développer une certaine façon de jouer qui est un peu... dans ce type de jeu-là, ça serait pas normalement ce qu'on ferait. Ils ont-tu pris des idées de Resident Evil? Si ah, peut-être. Peut-être. Mais on va venir qu'à développer une certaine technique qui, normalement, est contre nature dans ce genre de jeu-là. C'est qu'on va attendre que l'ennemi tire, parce qu'il y a une cadence de tir plus lente que la tienne. Tu vas sauter par-dessus la balle, puis après ça, tu vas tirer. Au lieu de commencer tout de suite à tirer, parce que lui, il va réussir à tirer en même temps, donc tu vas finir par perdre de l'énergie. Donc, vaut mieux. C'est plus rapide de sauter pour éviter les balles et après ça tirer que de tirer et de manger une balle. C'est un peu contre nature dans ce type de jeu-là, mais somme toute, on apprend assez vite à jouer de cette façon-là. C'est le genre de jeu qui ne s'embête pas avec une histoire. On s'entend, on débarque dans une place, puis va vers la gauche, va vers la droite, descend, monte, peu importe, et tu sais sur ton chemin, puis rentre jusqu'au drapeau. Ce qui est cool de ce jeu-là, contrairement à quand je vous avais parlé du Tower Defense dans un épisode précédent, je ne me rappelle pas, c'est Beat the Beast, exactement, je viens de me rappeler du nom. Ce que je trouvais plate dans ce jeu-là, c'est que les niveaux étaient extrêmement longs et il n'y avait pas de sauvegarde. Tu ne peux pas arrêter le niveau et après ça revenir au moment où est-ce que tu étais rendu, ce qui aurait été assez simple à faire, mais qu'on ne pouvait pas dans ce jeu-là. Donc, il fallait que tu t'arrêtes un 15-20 minutes pour jouer à ça, puis c'est un appareil mobile, on s'entend que c'est pas fait pour ça. C'est fait pour, tu as 2 minutes, tu commences à jouer, tu te rends le plus loin, tu avances, bon, peu importe. Et après ça, tu peux fermer, puis tu reviens, puis au gré de tes déplacements, tu vas être capable de l'utiliser. Eh bien, on a remédié à la situation du côté de Commander Cool. C'est des tableaux extrêmement courts. Vraiment. Mais là, vraiment pas très long. Mais ils sont nombreux. Au nombre de 35, vous allez vous dire, « Ah, mais là, 35, s'ils sont très courts, c'est plate. » Mais non, c'est qu'on a, de multiples occasions de mourir. Des trous, des pics, des balles d'ennemis, tout est une raison de crever. Mais ça se fait très, très rapidement. Tu fais un tableau, tu vas mourir 15 fois, mais au total, ça va t'avoir pris peut-être 5 minutes à passer au travers, d'apprendre, OK, c'est à telle place, faut que je saute, faut que j'évite telle affaire, faut que je fasse attention à tel truc. Cette rapidité-là, autant dans la longueur des tableaux que dans le « je meurs, je recommence tout de suite », rend ça intéressant. T'as pas le temps de dire « Ah, je suis encore mort, puis là, faut que j'attende un loading de 30 secondes. » Puis pendant ces 30 secondes-là, tu dis « Ah, je vais encore mourir, puis là, c'est plate, puis là, tu finis par lâcher. » Il n'y a pas ça. On mise réellement sur la rapidité. Et mettons que tu fermes le jeu, ben tu vas revenir au début du tableau, puis comme il n'est pas très long, ben c'est pas très grave de recommencer au début. Donc, c'est un bon compromis entre les deux. Ouais, le principe de sélection de niveau me fait un peu penser à Angry Birds. Oui. Puisque tu as des petites cases, puis chaque niveau est là. Puis le style de jeu me fait penser à un mix de Super Mario Bros. Puis de Metal Slugs. Ouais, c'est pas fou, vraiment. Là, c'est un peu ça, là. Je l'ai downloadé, je suis même dans un des niveaux. Tu joues pendant que je suis en train de t'en parler. Ben, je regardais, ben ouais, je trouvais ça cool, je voulais voir ce que ça avait l'air. Puis, es-tu gratuit actuellement? Parce que moi, je l'ai téléchargé. Oui, il était marqué gratuit. OK, c'est bon. Donc, au moment où est-ce qu'on enregistre, 20h26, il est gratuit. Fait que, grouille-toi. Sinon, 1,99, tu me diras peut-être, avec ton expérience dans les prochaines minutes, si tu penses qu'à 1,99, c'est un peu cher. Moi, je pense que oui, mais gratuit, ça vaut pleinement la peine. Des ennemis, on en a 10 différents. Ça va du petit soldat de base au soldat d'élite qui jump partout, qui fait des culbutes, jusqu'au au tank. T'as des pics, t'as des... les trous sont vraiment meurtriers, là, sont vraiment bons là-dedans. Ton personnage a aussi une capacité qui est quand même sympathique, le fait de pouvoir déployer un parachute. Donc, il y a des tableaux où est-ce que tu pars du haut, le but c'est de descendre en bas. Il y a des tableaux que c'est l'inverse, où est-ce que c'est de monter, c'est d'aller vers la gauche, d'aller sur la droite. On a quand même réussi à varier l'expérience de cette façon-là chez les créateurs du jeu. D'ailleurs, créateurs qui, eux, ben, ils ont pris le mot « cool » puis l'ont incorporé dans leur nom, c'est « Cool Corporation ». Donc, ben oui. Pour créer Commander Cool, c'est cool. C'est quand même concept. C'est concept. Et ouais. intéressant, je vous dis, diversité, il y a certains tableaux où est-ce qu'il y a un défilement automatique, que ce soit vers la gauche, vers la droite ou même en montant, qui amène une dynamique de tableau qui est différente. En plus, avec les mondes, comme je vous disais, là, le parc... la neige, le désert et le lunaire métallique, ça va amener des dynamiques un peu différentes. Exemple, dans le monde de la neige, s'il y a des pentes trop abruptes, ben, tu vas glisser et tu ne seras pas capable de remonter. Et ça peut t'amener à tomber dans des trous ou encore à devoir te dépêcher à manipuler ton personnage pour arriver sur des plateformes. Alors, on a réussi à varier les plaisirs avec l'environnement, avec les types d'ennemis, avec la façon que le tableau se déroule. T'as pas l'impression de répéter la même affaire 12 fois. T'as vraiment l'impression que malgré le nombre limité d'actions que tu es capable de faire, que les tableaux sont faits en fonction de te faire vivre des trucs différents à chaque fois. Tu as une barre de vie qui te permet d'encaisser certains coups, donc les pics sont pas meurtriers du premier coup. Les ennemis qui t'attaquent non plus, mais ça descend relativement vite, faut faire attention. Et donc, somme toute, c'est un bon petit jeu. Si on y va dans les plus, les graphismes, Luc, tu vas être certainement d'accord avec moi. On a réussi à faire quelque chose d'assez intéressant malgré la grosseur d'écran qu'on a. Et écoute, le jeu, il pèse. Je vais vous dire ça. Le jeu, il pèse quelque chose comme une vingtaine de mègres, même pas. Là. Donc, c'est vraiment petit. Ça se télécharge en dedans de rien. Là. Donc, tu sais, on a réussi à faire quelque chose d'intéressant. Oui. Dans les quatre mondes, c'est toujours la même plateforme est répétée. Là. C'est un copier-coller. C'est rien que la hauteur qui change. Puis c'est les blocs qui sont toujours pareils. T'sais. C'est des cubes. Puis tu places ça. Mais quand même, côté graphisme, c'est joli. Le côté 8 bits est très bien assumé. C'est poli. Ben, je dirais pas 8 bits, plus 32 bits. Vraiment, la Super Mario World, on a réussi à transcrire ça sur iOS de belle façon. La longueur des tableaux, c'est court, mais c'est parfait comme ça parce qu'on va mourir souvent. Et tu seras pas du genre à faire comme « OK, j'ai un tableau, faut que je fasse 5 minutes de tableau. » Puis après ça, à la fin, il y a un gros jump. Puis c'est celui-là que je rate tout le temps. Non, c'est pas ça. C'est vraiment un tableau qui va durer 30 à 40 secondes si tu le fais de A à Z sans embûche, là, sans te planter. Mais si tu te plantes, justement, ben, ça sera pas très long. Tu vas revenir à l'étape où est-ce que tu t'étais planté puis à refaire l'épreuve qui t'a mis à mal. Et après ça, être capable de la passer. Tu sais, c'est très, très le fun de ce côté-là. Donc, la longueur des tableaux qui est court, mais sont nombreux et sont bien faits pour le type de support. La variété des tableaux, de la façon, comme je vous dis, là, de déplacement imposé vers la gauche, vers la droite, vers le haut, des tableaux que tu descends en parachute, on a réussi à varier ça pour que ça soit intéressant. Et la courbe d'apprentissage, au début surtout, on va toujours te faire un tableau qui va miser, mettons le premier, tu vas apprendre à sauter. Le deuxième, on va t'apprendre à tuer des ennemis avec tes balles. Le troisième, on va t'apprendre apprendre à manipuler ton parachute. Tu sais, on va tranquillement, pas vite, t'amener vers des tableaux plus difficiles qui vont te faire toujours expérimenter une tactique différente de la façon de jouer. Ouais, c'est un jeu qui doit jouer mieux encore sur un petit, soit un iPod Touch ou un iPhone ou peut-être un iPad mini, vu que les commandes, le gauche-droite est à gauche. Tout est sur ton iPad. Hein? Oui, c'est ça, les boutons pour sauter sont à droite. Si c'est un iPad, ça se tient bien dans les mêmes. À un moment donné, c'est plus pesant, ça vient fatigant. Tandis que si tu joues ça sur un iPhone ou un iPod Touch, ben, c'est plus facile le à format tenir. Est vraiment parfait, plus agréable ouais. encore. Le format est vraiment parfait pour le mobile du iPhone ou encore du iPod Touch. Aller vers ça pour le jouer, ça va être encore mieux. Et comme on n'utilise pas vraiment la gyroscopie, là, donc de pencher d'un côté ou de l'autre pour affecter, on n'utilise pas cette fonction-là. Donc sur un iPad, tu vas toujours être à le tenir par le bas, à l'horizontale, avec ton pouce, tes deux pouces. T'sais, oui, je peux comprendre que ça devienne fatigant. Donc, allez-y avec les plus petits formats de produits iPatente. Ça joue bien pareil, là, mais c'est ça. C'est plus pratique parce que c'est plus facile à tenir. Oui. J'ai mis dans les moins les contrôles. Je disais tout à l'heure que pour ce type de plateforme-là, ça va bien. Mais malgré tout, surtout pour quand on utilise le parachute, le parachute, il ne va jamais en ligne droite parce que tu es toujours en train d'essayer de zigzaguer et tu zigzagues en tabarouette parce que ça va vite d'un côté et de l'autre. Et tu finis par te tromper de piton. Ben, il n'y a pas vraiment de piton, là, mais de te tromper de place où est-ce que tu vas. Puis la confusion, comme ça va vite et plus facile à arriver. Là, donc, il y a encore des petits ajustements, mais malgré tout, il y a un très bon effort qui a été fait pour les contrôles. Ça joue super bien dans pas mal toutes les facettes du jeu, mais il y en a quelques-unes où est-ce que ça accroche un peu plus. Je vous disais les tirs tout à l'heure, tu peux pas bouger en tirant, donc tactique à revoir de ce côté-là. On aurait aimé ça être capable d'avancer ou encore de reculer en tirant, ça aurait été un petit peu plus pratique. Et aussi, les sauts qui sont difficiles à gérer parce que les sauts en mouvement, quand tu vas dans un côté, tu sautes vers l'avant, mettons, ça va être correct. Mais dès que tu arrives sur des plateformes qui bougent et calculer tes sauts avec les déplacements, c'est un peu touché à faire. Mais encore là, c'est pas un gros bémol parce que c'est pas le truc que tu fais tout le temps dans chacun des tableaux. Alors, somme toute, c'est un excellent jeu à vous procurer. À 2$, peut-être pas. Attendez, essayez de le trouver avec un deal. Mais gratuit, 99 sous, allez-y. Vraiment, c'est un no-brainer. Si vous êtes amateur de jeux de plateforme et de tir, vous allez triper, vous allez aimer ça sur iOS. C'est pas mal le meilleur que j'ai trouvé. Vous cherchez Commander Cool. Vous voulez avoir le site web commander-cool.com. On ne sait pas... on fait pas ça compliqué. C'est aussi simple que ça. Et c'est fait par Cool Corporation. Ouais. Non, ça a l'air, ça, ben, en date, ce que j'en ai vu et essayé, c'est très bien. Ouais, c'est cool. C'est un beau petit divertissement. Moi, je garde ça précieusement dans ma liste de jeux iOS à sortir lorsque l'occasion se présente. C'est ça. Ça ferait le tour, Luc, pour cette semaine, parce que là, on approche de l'heure de compléter. Fait que le temps qu'on fasse les derniers petits trucs de fin d'émission, je pense qu'on n'aura pas le temps de parler du film Le Hobbit. Mais ouais, j'ai trop étiré ma critique de BioShock. Mais oui, Le Hobbit, je vais garder ça pour lundi prochain. Ouais, oui, c'est pas grave. Ça sera pour une autre fois. Je prends des gorgées de liqueur en même temps, c'est pas cool. C'est de l'eau, faut boire. Oui, de l'eau. Au moins, c'est pas de la limonade. Ouais, c'est ça. OK. Parle-nous, on reparle du concours un petit peu. Gears of War, on rappelle aux gens comment participer. Vous allez sur Internet, tu ouvres ton adresse de courriel, puis tu nous écris avec la réponse à la question de Luc à podcast réalité augmentée, pas d'accent et pas d'espace, @gmail.com. La question, Luc, c'est quoi? Qui est le personnage principal du nouveau jeu Gears of War Judgment? Et qu'est-ce qu'il a gagné dans ce concours-là? Ben, une copie digitale du premier Gears of War. Sur Xbox 360? Sur Xbox 360. Voilà. Si ça vous intéresse, envoyez un courriel. Si vous avez de la misère à retenir le courriel, juste envoyez-nous ça, soit à moi, soit sur Twitter, Jean-Benoît sur Twitter. On va prendre les participations là quand même, parce que c'est des fois peut-être une adresse de courriel. Écoute, c'est tellement compliqué. Mais là, regarde. Hey, nos auditeurs sont assez brillants pour retenir cette adresse-là, voyons donc. Je sais. Elle est juste pas facile, ton adresse de courriel. Mais... que des fois, quand tu essaies de créer une adresse de courriel sur Gmail, puis elle est trop compliquée parce que tout le monde a déjà pris ça, ou les deux adresses, trois adresses que tu essaies sont déjà prises, tu t'en vas sur Outlook. Dans ce cas-là, souvent, les adresses sont libres. T'es bien étonnant. Non, mais c'est ça que j'ai déjà fait. Ben oui, fais les dons de base, t'es si bon que ça. Non, non, c'est correct, le gars. C'est le temps que tu déménages. Ouais, non, je sais. Je suis plus du monde. Je suis plus du monde. Qu'est-ce que tu fais de geek cette semaine, mon Luc? Moi, je vais continuer de jouer avec la Wii U, comme je disais, gracieusement prêtée par Julie de chez Nintendo Canada. On la remercie d'ailleurs. Oui, on la remercie beaucoup. Puis je vais continuer à avancer là-dedans. Ça va être pas mal ça pour ma semaine, parce que j'ai comme 4-5 jeux là-dessus. Là. Fait que je vais probablement me concentrer pas mal là-dessus. Toi? Moi, écoute, je sais pas si c'est considéré comme geek, mais je déménage. Ça va être ça cette semaine. Je sais pas. Je vais essayer de jouer à Borderlands pour pouvoir vous en parler la semaine prochaine, mais je promets rien. Vraiment, là, cette semaine, je promets absolument rien. On verra. On verra. On s'en reparle la semaine prochaine. Si on veut te retrouver sur le web, Luc. Ben, juste sur Twitter, à Scalazormo, si vous voulez m'envoyer votre réponse pour la question de tantôt pour gagner la copie de Gears of War, c'est à Scalazormo. Sinon, vous pouvez aller soit sur cjuap.com ou sinon, vous pouvez aller aussi sur podcastauto.ca. Vous allez pouvoir me trouver mon contenu là-dessus puis me retrouver s'il y a quelque chose. Tu peux bien chialer sur mon adresse de courriel pour réalité augmentée. Est-ce que Nazormo? Ben oui, j'essaie, garde. C'est ça que je te dis. Ah, c'est pas disponible, va sur un autre service. Non, mais c'est rare que Scalazormo c'est pas disponible. Mais tu sais, j'espère que ça va le rester aussi parce que tu sais, c'est ça. C'est pas tellement. En autant que ça devienne pas populaire, ça me surprendrait bien gros. Qui sait, hein, un band hein, un jour. Je verrais ça, moi. De Scalazormo. De Scalazormo à l'Olympia. Ah oui, ça serait cool. sinon. Vous pouvez, ben moi personnellement, sur Twitter, @gangj_b, ou encore je m'occupe du compte officiel de la réalité augmentée sur Twitter, @realitéhog. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci d'ailleurs de le faire. On est présent sur Facebook, suffit de nous chercher. Et je rappelle notre superbe adresse courriel, hyper simple, podcastrealitéaugmentée@gmail.com. T'as pas l'accent, s'il vous plaît, oubliez les accents. Ouais, pas d'accent, pas de point, pas d'espace. Et augmenter, là, ça s'écrit E-E parce que c'est accordé avec réalité qui est au féminin. Bon. Ouais, mais sauf que dans l'adresse de courriel, c'est pas E-E, c'est E-E. E-E, ouais. Ouais. Hey, là, toi, t'es. C'est compliqué. Bon. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ce qui fait le tour de ce 19e et peut-être dernier élément de la réalité augmentée. On va aller se battre en dehors des ondes. À moins que tu te perdes ou ce que tu pour te rendre à ta future maison. Merci beaucoup, Luc, d'avoir été là. Merci, Jean-Benoît. Et ben merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été là, participer nombreux à notre concours. C'est une belle façon de nous supporter dans cette belle aventure qu'est réalité augmentée. On vous dit à la prochaine fois si on s'est pas perdu dans les boîtes. Salut! C'est ça. Bye, à la prochaine. Hey, ici Joël. Sébastien. Et Daniel de FunJouerJeu.ca. Vous écoutez Réalité Augmentée avec Luc Desormeaux, JB Gagné et FDL. À ce temps que c'est fini, viens écouter FunJouerJeu.